Théodore Pavy, Pepita, Récit de la Pampa, 1851. Lue par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre. Chapitre 1. Partis depuis 7 jours de Buenos Aires, nous avions traversé la province de ce nom, l'une des plus étendues de la Confédération du Rio de la Plata, et celle de Santa Fe. Nous espérions arriver le lendemain soir à Cordova. Aux plaines interminables qui avaient si longtemps fatigué nos regards, succédait un pays plus riant, coupé de frais ruisseaux et couvert en mains endroits d'une belle végétation. D'abord, de chétifs caroubiers aux rameaux épineux, chargés de vieux nids de perroquets, s'étaient montrés à nos regards. Bientôt, les saules plantés par la nature au bord des eaux se mêlant à d'autres arbres plus vigoureux, les buissons épineux s'épaississant de plus en plus, nous avions fini par nous trouver en pleine forêt. Nos chevaux trottaient vivement sur un sol léger et sablonneux, les oiseaux chantaient. Il s'en fallait bien de 2 heures que le soleil ne fût couché, et 1 lieue à peine nous séparait de la maison de poste où nous devions relayer. Cette maison était située au carrefour, esquina, où viennent aboutir les 2 grandes routes qui relient l'océan Pacifique à l'Atlantique. L'une, celle du nord, qui conduit en Bolivie et au Pérou par Tucumán et Salta, l'autre, celle du sud-ouest, qui mène au Chili en passant par Saint-Louis et Mendoza. Un jour, il faut l'espérer, une ville se bâtira au point de jonction de ces 2 voies de communication si importantes. Toujours est-il qu'à l'époque où je m'y arrêtais, on y voyait d'autres habitations que la maison de poste. Nous comptions mettre à profit le reste de la journée et pousser au-delà de la esquina, mais un habitant de Cordova, qui voyageait avec nous, voulait à toute force nous faire passer la nuit à la maison de poste. C'était un jeune homme fort gai, bon compagnon, bien élevé pour partager la haine aveugle que la plupart de ses compatriotes ont vouée aux étrangers. « Croyez-moi, disait-il, reposons-nous ce soir à la esquina. Nous y trouverons des visages plus avenants que dans la pampa de Santa Fe. Cette poste est tenue par une veuve, Doña Ventura, qui accommode divinement les œufs aux tomates, et je veux que vous entendiez chanter sa fille Pepa. » Il nous restait une longue route à faire, 300 lieues sans compter le passage des Andes, avant d'arriver à Santiago du Chili, et la saison s'avançait. Cependant, pour ne pas désobliger notre ami, nous nous rendîmes à ses désirs. Nos péons, joyeux d'approcher de la halte, se penchèrent, en poussant de grands cris, sur le cou des chevaux qu'ils éperonnaient sans pitié. Les chiens répondirent à ce vacarme par des aboiements forcenés. Et bientôt nous nous arrêtâmes devant la maison de poste. Un vieux gaucho qui faisait l'office d'intendant vint nous recevoir. Tandis qu'on dételait, un jeune garçon de 12 à 13 ans, beau comme un berger de Murillo, et qui lançait des pierres aux pigeons sauvages perchés sur des figuiers, remit sa fronde en sautoir et courut au logis en criant « Mère, mère, voici Don Matteo et des seigneurs étrangers !» Don Matteo, c'était notre ami le Cordovès, alla donner ses ordres pour le dîner et prévenir la duègne que nous n'avions besoin de chevaux que pour le lendemain. Chacun de nous rangea ses couvertures sur l'estrade qui régnait autour de la salle destinée aux voyageurs. Cet appartement, assez propre et très vaste, n'avait d'autre meuble qu'une petite lampe allumée devant l'image d'une madone et une guitare accrochée à un clou. Au moment du repas, Doña Ventura fit apporter 2 immenses fauteuils de cuir à clous dorés, évidemment fabriqués à Grenade du temps des rois catholiques. Les Cholas, filles de la campagne, fort éveillées, qui ne disaient rien mais regardaient beaucoup, dressèrent la table. Elles y placèrent les huevos revueltos con tomatas, les œufs brouillés aux tomates, à côté de grands saladiers, dans lesquels nageaient, au milieu d'une sauce abondante, 2 gros morceaux de viande rôtie. Le piment n'avait point été ménagé. Ce condiment un peu vif nous fit trouver meilleur le bouillon qu'on nous apporta, selon l'usage, à la fin du repas. La duègne, assise sur l'estrade, triomphait de notre excellent appétit et se rengorgeait fièrement chaque fois que l'un de nous lui adressait un compliment, plus ou moins exagéré, sur l'excellence de son dîner. Pepa se tenait près d'elle. C'était une belle fille, au teint blanc et frais, presque blonde. Elle fumait nonchalamment une cigarette en promenant autour d'elle ses grands yeux bleus, ombragés de longs cils. Juanchito, le petit garçon à la fronde, tournait autour de la table, se roulait sur nos couvertures et goûtait sans façon, dans nos verres, le vin de Bordeaux que nous y versions. Quand on eut desservi, Matteo alla décrocher la guitare. « Señorita, dit-il à Pepa en la lui présentant, voici des seigneurs cavaliers qui seraient charmés de vous entendre. De grâce, une petite romance, et ils vous tiendront pour la plus aimable fille, pour la mas preciosa minia de la province. » Nous allions joindre nos humbles exhortations à celles de Don Matteo, mais la jeune fille avait déjà accordé l'instrument. Sans se faire prier davantage, sans tousser, sans se plaindre d'être enrhumée, elle chanta une demi-douzaine de chansons démesurément longues. À chaque couplet, Matteo battait des mains, et en vérité, Pepa possédait une voix charmante qu'elle ne conduisait pas trop mal. Sa physionomie s'animait par degrés. Elle s'arrêtait de temps à autre en criant « Hey, Jésus, je suis morte !» et elle recommençait de plus belle. La duègne avait fini par faire chorus avec sa fille. À chaque refrain, nous frappions sur la table avec la paume de nos mains, et Matteo, imitant les castagnettes avec ses doigts, dansait comme un fou au milieu de la salle. Par malheur, le vieil intendant vint interrompre cette fête. Il se pencha à l'oreille de la veuve et lui dit qu'on voyait arriver par la route du Nord une troupe de chariots. « Crois-tu, Coribio, répondit-elle, que ce soit les gens de Salta ?»« Qui sait ?» reprit le gaucho. « Il y a 3 semaines que le courrier, en passant par ici, m'a assuré que le convoi de Gilles Pérez était parti, et s'il ne lui est rien arrivé en route, je ne voudrais pas parier qu'il ne fût ici ce soir. » « Allons, Pépita, dit la duègne, voilà notre ami Pérez qui t'apporte quelques beaux présents. Va faire ta toilette, Nina, et n'oublie pas le beau peigne d'écaille qu'il t'a donné à son dernier voyage. » « Messieurs, ajouta-t-elle en se tournant vers nous, je vous quitte à l'instant, mais j'espère vous présenter bientôt un hôte de distinction. » « Au diable, Pérez et les gens de Salta, dit tout bas Matteo quand Pepa se fut retirée, et nous sortîmes pour voir arriver les chariots. C'était une troupe de 15 charrettes, attelées de 6 bœufs chacune, chargées de fruits secs, de coton et de balles de crin. Elles approchaient lentement, tournant avec effort sur leurs roues massives. Rejetées d'un côté à l'autre par les cahots, elles s'enfonçaient dans de profondes ornières, d'où les 4 bœufs de volée, liés aux joues à 12 pieds en avant de ceux du timon, les arrachaient à grand-peine, en inclinant jusqu'à terre leurs naseaux fumants. Les bouviers, couchés entre la couverture de cuir qui recouvre ces maisons ambulantes et les ballots superposés, piquaient l'attelage au moyen de longs aiguillons suspendus en équilibre au-dessus de leur tête. Comme la route, fort étroite en cet endroit, était obstruée d'arbres morts et envahie par des buissons épineux, les immenses charrettes, forcées de se suivre pas à pas, se heurtaient et s'accrochaient successivement aux mêmes obstacles. De ces secousses multipliées résultait un mouvement de lente oscillation et de roulis qui faisait craquer les essieux et frémir les roues. Quand le convoi tout entier se fut déroulé dans l'espace vide dont la maison de poste marquait le centre, les chariots se rangèrent sur une ligne en ordre de bataille comme des fourgons d'artillerie. Le timon s'abaissa, les joues furent déposées à terre à la place qu'occupaient les bœufs. Les animaux qu'on venait de délier allèrent rejoindre le troupeau de rechange qui marchait derrière le convoi sous la conduite d'une 12aine de cavaliers. Bientôt, sortie des coins les plus obscurs de ces chariots, toute une population étrange, piqueurs de bœufs portant le caleçon blanc brodé, le châle de laine roulé autour des reins, le poncho rouge et bleu, le bonnet pointu orné de rubans verts. Femmes et enfants, passagers de tout âge, qui s'étaient joints à la caravane pour faire, à bon marché, une traversée de 300 lieues. On voyait aussi de jeunes filles au teint cuivré, aux allures hardies, embarquées gratis à la suite de quelques bouviers de bonne mine. Ce fut en un instant comme un bruit de ruche autour du convoi. Ceux-ci coupaient le bois, ceux-là couraient à la fontaine, d'autres piquaient en terre, devant le feu, des broches de bois chargées d'énormes tranches de viande. Chacun de ces convois obéit à un chef ou catapaz, qui, galopant à cheval sur les flancs, en tête ou en queue de colonne, selon la nature des lieux et les périls du chemin, commande à cette horde indisciplinée et maintient de son mieux la subordination parmi ces hommes sauvages. Il lui faut, pour se faire respecter, de la fermeté et de l'audace. Souvent même, c'est d'un coup de couteau qu'il impose silence à un mutin. La troupe qui prenait position ce soir-là, devant la poste où nous passions la nuit, venait de Salta, comme l'avait supposé Toribio, et ainsi que semblait l'espérer Doña Ventura. Elle avait pour chef Gilles Pérez. Celui-ci, en bon général d'armée, ne descendit de cheval que quand il eut vu son monde camper convenablement. Nous étions rentrés dans la salle des voyageurs. Pepa venait d'y reparaître. Elle avait jeté sur ses épaules un châle de soie sorti des fabriques de Lyon, nuancé des couleurs les plus disparates, et posé sur sa tête un peigne à la mode de Buenos Aires, large de 20 à 30 pouces et haut d'un pied. Cette parure extravagante nous semblait infiniment moins gracieuse que les deux tresses qui, un quart d'heure auparavant, flottaient sur son dos. Mais tel n'était pas l'avis de la duègne. Les proportions démesurées de cet ornement en faisaient à ses yeux le prix principal. Cependant, ses apprêts de toilette déplaisaient visiblement à Mathéo. L'arrivée du conducteur de chariot semblait être, pour la veuve et sa fille, un événement de grande importance. Le jeune Cordovès s'en voulait à celui-ci, de ce qu'on eût fait tant de frais pour le recevoir. Gilles Pérez entra d'un air radieux. Il tenait sous son bras un petit coffre qu'il déposa sur la table et s'adressant à Doña Ventura. « Ouvrez, dit-il, voici la clé. Ouvrez, regardez et prenez. » Sans se le faire répéter, la veuve tira du coffre une écharpe de crêpe de Chine et une demi-douzaine de souliers de satin que Pérez présenta à Pepa. Celle-ci rougit et remercia de bon cœur. Tandis qu'elle admirait ses cadeaux, Pérez offrit à la veuve une de ces jolies chaînes d'or que l'on fabrique au Pérou. Puis, se tournant vers Jacinto, qui semblait attendre son tour, « Mon garçon, lui dit-il, cherche sous mon poncho. » L'enfant souleva le poncho et saisit avidement un charmant petit sabre qu'il attacha aussitôt à sa ceinture. Dans sa joie, il sauta au cou du capataz, qui eût sans doute mieux aimé recevoir de sa sœur ce témoignage de gratitude. Après avoir ainsi répandu ses libéralités sur toute la famille, Gilles Pérez engagea la conversation avec nous. Dans ces pays de mœurs simples et faciles, il suffit de se rencontrer sous le même toit pour être amis. Mathéo recouvra bientôt sa bonne humeur. Il lui paraissait de sa dignité de ne pas disputer la place à un conducteur de chariot. Pendant que nous causions avec Gilles Pérez, les bouviers se livraient à de joyeux ébats. Les cholas et les postillons de la Esquina s'étaient joints à eux pour former un de ces bals improvisés qui durent d'ordinaire une partie de la nuit. C'est ainsi que les gens des Pampas se délassent des fatigues de la journée. Gilles Pérez, craignant quelque désordre, était allé faire sa ronde accoutumée. Il rentra en annonçant qu'on découvrait une grande poussière vers le sud-est. Là-dessus, Juancito courut pousser une reconnaissance. Quelques minutes après, il venait rapporter la nouvelle que les muletiers de San Juan arrivaient. Pepa et sa mère échangèrent un regard rapide. Quant à Pérez, il parut fort peu se préoccuper de l'incident. Il se contenta de dire « C'est sans doute le petit Fernando avec son chargement d'eau-de-vie. » Déjà, les muletiers avaient fait halte à quelque distance de la poste. Ils décellaient leurs mules et rangeaient en cercle sur la terre les harnais flanqués de deux barils, charge ordinaire de chaque animal. Les bêtes fatiguées, s'étant roulées sur l'herbe, se mirent à brouter çà et là. Les hommes dressèrent une petite tente et allumèrent un feu. Quelques-uns restèrent à cheval. Ils galopaient à droite et à gauche pour empêcher les mules rétives de s'éloigner du camp. Leur chef, que son costume ne distinguait guère du reste de la bande, ayant mis pied à terre à son tour, se dirigea vers la maison de poste. Il portait sur l'épaule une de ces grandes besaces que Sancho a rendues célèbres et que l'on nomme alforjas, double sac que le mendiant passe à son cou et que le cavalier suspend au pommeau de sa selle. Marchant d'un pas rapide et sur la pointe du pied, à cause de ses longs éperons d'acier qu'il traînait à ses talons, il frappa à la porte de Doña Ventura. « Ave Maria !» dit-il à mi-voix. « Sin pecado concebida !» répondit la veuve, et Juancito ouvrit. Cette réponse, conçue sans péché, avertit l'étranger qu'il peut entrer. Gil Pérez regarda le muletier à peu près comme un amiral regarderait l'humble capitaine d'un navire de commerce. Celui-ci, déconcerté de trouver la maison pleine et d'y voir des figures étrangères, sans compter celle du capataz, qui semblait le gêner beaucoup, demeura quelques secondes debout près de la porte. « Entre donc, Fernando, lui dit Doña Ventura. « Tu es surpris de ce que ma Pépita est en grande toilette, mon garçon ?»« C'est qu'il m'est arrivé ce soir des seigneurs cavaliers. »« Veux-tu souper ? J'ai là du ponchero, du pot-au-feu. »« Je vous rends grâce, señora, » répondit Fernando. « Je n'ai rien à vous demander. Vous savez que je ne passe jamais ici sans venir dire bonjour à Pépa. Et puis j'ai là pour vous un petit baril de la meilleure eau-de-vie qu'on n'ait jamais goûté à San Juan depuis bien des années. » « Est-ce pour Pepa que tu apportes ton aguardiente ?» demanda Gil Pérez. « Don Gil, répliqua le muletier, chacun donne ce qu'il a et selon ses moyens. » Et, se tournant vers la jeune fille, « Pepita, ajouta-t-il, quand tu étais enfant, tu aimais assez les tartes de nos montagnes. Eh bien, en voilà, et aux pêches encore. » Et parlant ainsi, il avait tiré de sa double poche de son sac le petit baril d'eau-de-vie et une douzaine de gâteaux de forme carrée, remplis d'une marmelade épaisse, que Juancito sembla déguster avec un extrême plaisir. Cela fait, il alla s'asseoir auprès de Pepa et regarda fièrement le conducteur de chariot. « Combien as-tu d'animaux ? » lui demanda celui-ci. « 15 mules de charge, sans compter les montures. »« Juste autant que j'ai de charrettes, » poursuivit Pérez. « Ça n'est pas mal. En tout, tu portes 30 barils. » De quoi charger la moitié d'un de mes fourgons. Bah, que veux-tu gagner avec cela? Tu fais là un triste métier, mon garçon, et tu le feras longtemps avant de devenir riche. Quand j'en serai ennuyé, répliqua Fernando, j'en prendrai un autre. Le muletier prononça ces paroles avec un accent singulier. Fernando a du courage, reprit Doña Ventura, et il se tirera d'affaire, et puis il trouvera quelque part dans son pays une jolie fille qui lui apportera une dot. N'est-ce pas, Fernando ? Pour toute réponse, Fernando ramena sur son front son chapeau pointu à petits bords. Ses yeux fauves brillaient comme ceux d'un chat. Il saisit vivement la guitare placée sur l'estrade près de Pepa et se mit à la racler avec distraction, comme un homme qui s'abandonne à sa rêverie. Juancito, qui se tenait debout devant lui, attendant sans doute qu'il eût fini de préluder et chanta quelques gais refrains des montagnes, lui poussa le bras en disant « Fernando, as-tu vu les beaux présents que nous a fait Gil Pérez ?» Sans lever les yeux, le muletier répéta à mi-voix ce couplet d'une vieille romance. « Ne sois pas si contente, Juana, de voir que je souffre à cause de toi, car il pourra en être de toi demain ce qu'il en est de moi aujourd'hui. » Puis tout à coup, jetant la guitare à ses pieds, il sauta sur l'estrade, éteignit la lampe qui brûlait devant la Madone et porta la main à son couteau. Pepa s'était serrée contre sa mère. Au cri qu'elle poussa, Gil Pérez se mit en défense, mais Fernando, passant près de lui sans le regarder, gagna la porte. « Ah, Pepita » murmura-t-il en sortant, « tu me feras faire un mauvais coup !» Et il disparut. Gil Pérez essaya de rassurer les deux dames et chercha à les retenir. Mais Doña Ventura, fort agitée, se retira immédiatement avec sa fille. « Ma foi, messieurs, nous dit Matteo à voix basse, la soirée a été plus complète que je ne l'espérais. Je croyais vous faire assister à une scénette, et nous avons eu presque une tragédie. » Là-dessus, il s'étendit sur ses couvertures, bien décidé à dormir. Mes compagnons en firent autant, et je me dirigeai vers notre coche Galera, voiture de voyage, où j'avais coutume de prendre mon gîte chaque nuit. Les feux des muletiers brillaient dans le lointain. Devant les chariots, les bouviers continuaient leur danse et leur chant. Du côté de la forêt, des perroquets, réunis en bandes innombrables, poussaient des cris tumultueux qui ne me permirent guère de fermer l'œil. Au point du jour, comme je commençais à m'endormir, Matteo vint m'éveiller. Les chevaux étaient prêts. Déjà les muletiers de San Juan disparaissaient à l'horizon, et Gilles Pérez, le pied dans l'étrier, donnait l'ordre à sa troupe de se mettre en marche. Le surlendemain, nous faisions à Cordova notre entrée triomphale. Au bruit de notre voiture de voyage, roulant sur les pavés inégaux, les habitants se mettaient aux fenêtres et couraient aux portes. Les postillons, armés de sabres et de couteaux, avaient si bonne tournure en galopant, nos quatre péons levaient si fièrement la tête, qu'on répétait le soir sur la grande place de Cordova « Han legado unos ingleses. Il est arrivé des Anglais !» Après avoir séjourné quelque temps dans la jolie petite ville de Cordova, qui fut jadis la Salamanque des provinces argentines, nous prîmes congé de Don Mateo pour continuer notre route vers les Andes. Je laissai à mon tour mes compagnons à Mendoza et passai au Chili puis au Pérou. Enfin, revenu à Valparaiso, avec l'intention de m'embarquer pour l'Europe, je voulus revoir Santiago, la capitale du Chili. C'est une grande et belle ville, fort agréable à habiter, et celle de toute l'Amérique méridionale où l'Européen, le Français surtout, se trouve le moins dépaysé. Dans ce temps-là, on y vivait assez tranquille. Des soldats à cheval qui stationnaient au coin de chaque rue veillaient la nuit à la sécurité des habitants. Quand un assassinat était commis sur les routes, la justice savait mettre la main sur le coupable. Il était sévèrement puni, et, après avoir rasé sa maison, on y semait du sel, comme pour effacer jusqu'au souvenir du meurtrier. Les révolutions, il faut bien le dire, se succédaient encore à des intervalles infiniment trop rapprochés, mais en général le peuple y prenait peu de part, et l'on ne voyait pas, comme aujourd'hui, les clubs promener sur les places publiques leurs bannières menaçantes. La population calme et insouciante se répandait en foule vers les dernières heures du jour, sur les promenades entre les belles rangées de peupliers, à la Médas, au-delà desquelles la cordillère des Andes dresse ses pics majestueux, couverts de neiges éternelles. Quelque gracieuses pourtant que soient ces Almédas, rafraîchies par de petits ruisseaux, aux ondes murmurantes et bordées en mains endroits de jardins où le pêcher fleurit à côté de l'amandier, le voyageur préfère encore la grande digue, élevée pour contenir les eaux torrentielles du Mapocho, et que l'on nomme le Tajamar. Qu'on se figure un quai long d'un mille, formant comme une esplanade, d'où l'on domine une vallée étroite, adossée aux Andes, et ombragée de grands arbres, sous lesquels se cachent de blanches maisons et de jolis vergers. Les fières montagnes, amoncelées les unes au-dessus des autres, s'arrondissent à l'horizon en décrivant une courbe immense. Leurs sommets, découpés en vives arêtes, ressemblent à de gigantesques gradins qui marquent autant de zones diverses. Sur les plus bas, on distingue encore quelques traces de végétation, puis le rocher se monte nu, et enfin, l'œil s'égare sur des glaciers éblouissants de blancheur, que le soleil fait étinceler comme le diamant. Je suivais un soir l'interminable route que trace le Tajamar. Le soleil couchant teignait la cordillère d'autant de nuances changeantes qu'on peut en compter sur la gorge du caméléon. Arrivé au faubourg de la ville, un bruit de voix mêlé au refrain d'une douzaine de guitares et de harpes attira mon attention vers un jardin où se pressait la foule. Un beau palmier, encore peu commun dans cette partie du Chili, en occupait le centre. Tout au fond, derrière une masse d'arbustes charmants, citronniers et grenadiers, se dressait un théâtre illuminé de verres de couleur. Sur le devant de la scène, un danseur et une danseuse exécutaient un de ces pas vifs et entraînants que la race andalouse a transportés d'Espagne en Amérique après les avoir empruntés aux bohémiens. Il paraît que le ballet durait depuis longtemps, car les deux virtuoses, exténuées de fatigue, ne se soutenaient qu'avec peine sur leurs jambes. Tout à coup, le danseur mit un genou à terre, rejeta la tête en arrière et fixa sur la ballerina deux yeux étincelants qui semblaient la fasciner. Celle-ci, comme vaincue par le regard passionné du jeune homme, lui prit la main pour le relever et courut se cacher parmi les femmes qui composaient l'orchestre. Ce dénouement bien connu, puisqu'il est toujours le même, n'en provoqua pas moins dans l'assemblée une explosion de murmures flatteurs. La foule des spectateurs se composait de mineurs chiliens aux chapeaux pointus, aux ponchos bleus rayés de bandes jaunes, de muletiers de la province du Môle, reconnaissables à leurs cheveux plats et à leurs faces basanées, dans lequel le type espagnol est plus difficile à trouver que celui de l'Indien. On y voyait aussi des marchands des faubourgs, des vendeurs de melons et des aguadors, porteurs d'eau. Société peu choisie, j'en conviens, mais simple et franche dans ses allures, et qui ne faisait à moi nulle attention, malgré la curiosité avec laquelle j'observais chacun de ces groupes. Il y avait là des tables de rafraîchissement, et au moment où les danseurs s'avancèrent de nouveau sur la scène, je m'assis à sa près du théâtre en demandant un verre d'orangeade. « Seigneur cavalier, me dit brusquement un jeune homme à la parole vive et brève, mettez-vous un peu de côté. Votre manteau m'empêche de voir la belle Irina. Que diable ! Il y a ici, comme à l'opéra, des amateurs qui ne veulent perdre ni un pas ni une note, pensai-je en me retournant pour regarder en face le dilettante. Je reconnus Don Matteo. Il me parut un peu changé. Ses habits avaient subi une altération sensible, mais c'était bien le jeune Cordovès que j'avais vu applaudir si gaiement aux romances que nous chantait la fille de Donia Ventura. « Don Matteo, lui dis-je en lui tendant la main, avouez que si cette femme danse avec grâce, il y a dans la province de Cordova des jeunes filles qui chantent à ravir. La Pepita, par exemple. » « Pepita, reprit le jeune homme, vous connaissez Pepita ? Qui donc êtes-vous, seigneur cavalier ? Ah, mais c'est vous, Don... Vos noms français sont si difficiles à retenir. Et par quel hasard vous rencontrais-je ici ? Par le hasard des voyageurs qui me ramènent au Chili avant de me pousser vers le Cap Horn. Mais vous qui borniez vos pérégrinations à parcourir les pampas de Buenos Aires à Cordova, quel sort heureux vous amène sur ma route au-delà des Andes ? Un sort heureux, répliqua Matteo en secouant la tête. Je suis ici exilé, réfugié, proscrit. Vous êtes surpris, n'est-il pas vrai, de trouver au milieu d'une foule joyeuse qui rit et qui s'amuse, un pauvre diable qui n'a plus ni patrie ni asile. Que voulez-vous, mon ami? J'aime de passion les beaux-arts, et dans cette gaieté populaire, je puise pour quelques instants l'oubli de mes maux. Permettez-moi d'envoyer des rafraîchissements à cette belle Irina. N'est-ce pas qu'elle danse à merveille? Ma bourse n'est pas trop garnie, mais en cherchant bien, j'y trouverai encore une piécette pour encourager le talent. En achevant ces paroles, il fit verser un verre de limonade glacée qu'un garçon de café alla porter à la danseuse. Celle-ci, en recevant le verre de limonade, promena ses regards autour d'elle pour savoir à qui elle était redevable de cette politesse. Matteo répondit par un geste galant au coup d'œil interrogateur de la jeune fille, qui le salua poliment, et reprit à sa bouche la cigarette qu'elle venait de prêter un instant à sa voisine. Sur vos grands théâtres, me dit Matteo en me prenant le bras pour m'emmener hors du jardin, vous lancez aux artistes préférés des bouquets et des verres, auxquels souvent ils ne font guère attention. Nous nous contentons, dans ces petites réunions musicales et dansantes, d'offrir aux virtuoses ce simple verre d'eau glacée qui les comble de joie. Pure politesse, après tout, et qui ne tire pas à conséquence. En quittant le jardin, nous nous dirigeâmes vers le Taj Mahal. La nuit était silencieuse et sereine, nous entendions bruire à nos pieds les eaux de la rivière, et sur l'obscurité du ciel, nous distinguions les cimes de la cordillère, qui gardaient encore un certain éclat lumineux. « Voyez !» s'écria Matteo, appuyant ses deux bras sur le parapet. « Voyez quelle barrière immense s'élève désormais entre mon pays et moi. 60 lieues de montagnes, de précipices, de neige, et un arrêt de proscription. Une de ces révolutions qui éclatent comme l'orage est venue bouleverser notre paisible cité de Cordova. Le parti auquel j'appartenais a succombé dans sa lutte. Mon petit patrimoine a été presque entièrement absorbé par les amendes que nous fait payer le vainqueur, et je m'estime heureux d'avoir sauvé ma tête. Vous vous souvenez de la soirée que nous passâmes ensemble à la Esquina? Eh bien, tous ceux qui étaient là, réunis sous le toit hospitalier de Doña Ventura, en la comptant, elle et sa fille Pepa, savez-vous ce qui reste de vivant aujourd'hui? 2 personnes, vous et moi. La première scène de ce drame s'est déroulée sous vos yeux, à la maison de poste où nous soupions si gaiement, quand arrivèrent les chariots de Gil Pérez de Salta. En vous racontant celles qui l'ont suivie, je n'aurai à vous parler que de personnages déjà connus de vous.